Examen 3. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Attention, attention, le train Corail 4890 en provenance de Poitiers va faire son entrée en gare, voie numéro 3. Prière de vous éloigner de la bordure du quai.